À ma main qui te touche, je te promets le ciel au-dessus de ta couche. Que tes nuits soient douces. Je promets la vie, mais c'est près de mon âme. Je promets la vie, je rire à mes larmes. Je te promets la clé, c'est près de mon âme. Je te promets la vie de mes rires à mes larmes. Oh, c'est quoi ça? Je te promets le ciel. C'est dur, Océan. promets. Ah ben on est en 8, mais non, ça va pas le faire. En 8, ça passe pas. Passe pas. On est qui veut faire. C'est une poupée. Promets le ciel, baiser toute ta couche. Alors, on n'a pas fait, je te promets. Je te promets. Vous avez le fait quoi en plus? J'entends quelqu'un qui respire. Je te promets. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Un voleur de la nuit. Quelque chose de Tennessee. À vous, homme faible et merveilleux. Je veux pas de publicité, je veux juste trouver les paroles, c'est tout. Mon ordinateur est corrompu, à force de me foutre des saloperies, ça m'apprendra à télécharger. Oh putain, surtout pas aller là-dessus pour prendre des paroles. J'ai été chercher des paroles, c'est tout bloqué. Oh putain, l'horreur ce truc. Où est-ce que je peux trouver parole? Ah. Mais c'est Michel Berger qui a pris. Oh, je pense. Regarde cet ordinateur. Tu cherches des paroles? Grazie. Attends, arrête deux minutes. Ok. Putain, demain faut les bosser. Il faut que j'aille travailler. Et ça me fait vraiment chier. Thank you. chanson française. Thank you. Thank you.